Lion, le ferret des old school, le kafir. Aïe, moving up production. Parfois c'est louche quand t'as le succès. Tu sais l'ambiance peut-être mystico. Ça pullule de boîte de maille de bise. Plus c'est mis qui colle. Si ton crâne dort, tu risques de dépenser. Vouloir mettre sur tous tes dièses des filigranes d'or. Combien de fois j'ai écouté de jolies femmes dire des trucs abusés qu'auparavant elles osaient pas me dire. Faut rester calme d'eau. Car dans ce milieu y'a beaucoup de films et d'acteurs, mais qu'une seule palme d'or. Écoute, l'ami, pour moi la vie est une épreuve à surmonter. Je vais pas te mentir, comme un juge assermenté. Je brûle pas les étapes, je garde la tête sur mes épaules. Des bling bling, je m'en tape à tout moment, méga m'épaule. Sois pas dupe, parfois y'a du vice mais y'a pas de jupe. Est-ce que tes gars te suivront dans la boue si t'as pas de jeep? Et puis si t'as pas de job, combien d'entre eux couvriront ta tête les jours de pluie si t'as pas de pomme? Alors les frères on dit quoi? On est là, on est trois. Tu vois le rap, on y croit, bien que le chemin soit étroit. Faut rester calme, c'est trop facile de perdre la tête quand tu marches tout seul. Alors les frères on dit quoi? On est là, on est trois. Tu vois le rap, on y croit, bien que le chemin soit étroit. Faut rester calme, c'est trop facile de perdre la tête quand tu marches tout seul. Ici bah rien que ça fout, juste histoire de décompresser. C'est sa foi, c'est sûrement parce que t'es trop pressé. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on est tous comme des oppressés. Crâne rasé ou tressé, vexé, on est tous stressés. Tous stressés, mais si ton crâne philosophe réfléchit face à n'importe quel problème, t'es censé jamais fléchir. Faut que tu déchires, la place est chère. Truc spé à long terme, je veux pas te décourager. Tu sais, j'éclaire juste à lanterne. En tout cas, je te souhaite succès et popularité. Qu'on dise de toi, Lion, c'est moving up, on peut plus l'arrêter. Tu restes juste comme la parité. Et surtout le même, après des tubes, même si t'en fais 4 parités. J'parle comme poche tout le grand frère, Lion, j'ai quitté. Respect ne m'a jamais quitté. J'ai l'impression qu'on se check depuis l'antiquité. Je peux te guider, j'en sais un peu plus. C'est dans mon truc de partager le savoir. La mahat, c'est l'équité. Alors les frères, on dit quoi? On est là, on est trois. Tu vois le rap, on y croit. Bien que le chemin soit étroit, faut rester calme, c'est trop facile de perdre la tête quand tu marches tout seul. Alors les frères on dit quoi? On est là, on est trois. Tu vois le rap, on y croit. Bien que le chemin soit étroit, faut rester calme, c'est trop facile de perdre la tête quand tu marches tout seul. Faut rester calme, pour entretenir ta loyauté. Compter tes potes et tes royautés. Si t'es en bas, il te reste qu'à remonter. Mais quand tu seras en haut, fais gaffe de pas te faire escamoter. J'ai fait un rêve, tant je m'appelle pas Martin Luther, le philosophe. Un mec qui reste le matin lutteur, je m'appelle pas Bruce Lee. Tant comme lui j'ai la fureur de vaincre. Si elle veut t'inquiète, je serai toujours là pour l'éteindre. Je veux pas entendre plus toi, ni que tu veux plus qu'on tutoie. Et que t'as tellement pris la grosse tête, qu'on te fuit comme putois. Prends du poids mais du lourd, c'est moi qui te parle frangin. Car quand c'est fou tu plais Marie, il veut il te parle frangeux. Je suis presque morné, respecte mes bornes. Bientôt la roue va tourner, les premiers seront les derniers. Toujours bien entouré, moving up Fredo Kafir. DJ Shin pour la prod, maintenant tu sais t'as plus qu'à alors fuir. Alors les frères on dit quoi? On est là, on est trois. Tu vois le rap, on y croit. Bien que le chemin soit étroit, faut rester calme, c'est trop facile de perdre la tête quand tu marches tout seul. Alors les frères on dit quoi? On est là, on est trois. Tu vois le rap, on y croit. Bien que le chemin soit étroit, faut rester calme, c'est trop facile de perdre la tête quand tu marches tout seul. Alors les frères on dit quoi? On dit quoi? On est là, on est trois. On est trois. Faut rester calme, c'est trop facile de perdre la tête quand tu marches tout seul.